serai là jusqu'à la césure. Je serai là jusqu'à la saisie. Jusqu'à ce que sous le matelas bâtard j'entasse deux onésies. Toujours pareil, je cours après son fantôme. J'aimerais lui tendre un bouquet. Poser de l'amour sur ses brûlures, rendre le machin sous sa peau. La calane speech, la taille vaut plus cher que la breu. Les rideaux puis la clope, j'm'oubliais dedans, j'étais morveux. Souvent d'humeur colérique, que dans mon monde sous barrette de shit. Flaquette 20 centilitres, j'rame la mèche, j'écris pas mes lignes. Plastique sur la porte, je cherche toujours celle de sortie. Méfiant, paranoïaque, brûlais mes affaires dans les orties. J'faisais à peine trois pommes que j'voulais déjà un burst mode. Un dernier Africa Twin, les enterrer en off-road. Chaque jour les mêmes gimmicks, chaque track les mêmes lyrics. Parfois je trouve ça risible, fait que spammer, je veux le blé d'un vizir. Dans les autres troupes, je me sens comme Idi. À 14, je fréquente des groomers. Pensez faire le cul à qui? Ces bâtards des majors. Ça sent elle souffre dans la piole. Ça pue et l'amiante dans le plafond. Et l'autre, il ose dire 30K. Tout en sirotant une boisson. Dieu merci, j'ai grandi, je suis devenu le fléau de mes gravons. J'ai au moins de quoi payer une pierre taillée, une concession. Un hiver de plus, j'ai pas changé de protocole. J'alterne les ID comme si c'était le bal du Doge. Des ayants droit pour les gosses. Et une map avec une croix. De quoi les repeindre avec des couleurs pour des mois. Les fusils pour les brouffes. Les lames pour les pros. Sauf qu'il y a encore quelque chose qu'on sait pas sur toi. Je sais pas ce qui me fait le plus peur. Ce boulot ou ton passé. J'ai rayé des noms de pute des listes. Encule-toi ta clique de puriste. Seul sur le banc depuis Mino. J'écoute Oxmo. L'enfant seul c'est moi. La bougie c'est pas éteinte. 4 serres pour les craintes. Leur tête sous nos freins. J'dis à Néo mais les hi-hats qui font le bruit de la gazinière. L'amour est mort dans le première classe. J'ai oublié mon schlass, elles sont gloss. On est retourné dans nos cages. On a piétiné les roses. J'fais pitié si j'meurs pas. Plus 300K. Eh mon grand, ça va le faire. On est plus très loin de la baignoire pleine de cash. J'espère qu'ils me couvriront de phosphore. Sinon, j'reviens les hanter comme du thallium dans la commode. Faut j'laisse un million cimenter des pierres, des fleurs ici et là. Segmenté sur deux GMT. Parfois j'pleure le temps d'avant. Parce qu'avant j'étais pas cornu. J'essaie de devenir un gentilhomme malgré mes facettes tordues. Si deux gars me refait le portrait, j'fais une Sanchez assez vendue. J'espère bien qu'ils m'ont entendu, y'avait du pain pour tout le monde. Mais c'est porlo englouti, pourtant c'était bien mon sang. Y'a une tranchante comme le tatang, j'tourne pas cette fois la langue. À la paille mais j'ai la longe, j'ai fait la liste de ce que je veux prendre. De l'OTF à l'ETF, jusqu'à ce que me saigne l'ISF. J'cours encore après son fantôme, dans les nuées d'une brume épaisse. Dans les nuées d'une...